Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit, Claude Chabrol. Serge! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu te caches maintenant? Presque. Non, je voulais te parler. Eh ben, parle-moi. En parole, t'es pas sous? Pas encore. Écoute, il y a eu un malentendu entre nous. Un malentendu? Oui, je pense... Je crois que j'ai été maladroit. Bon, pauvre François. En tout cas, toi, t'as pas changé. Viens à la maison. Non, j'aime mieux qu'on se promène un peu en parlant. Si ça peut te faire plaisir. Dis-moi, Yvonne, tu l'aimes pas, hein? Hein? Ce type en fuite, là, qui a escroqué l'assurance, ça vous dit quelque chose? Émile Lelay? Oui. Ben oui, bien sûr. Je le détartrais régulièrement. Il travaillait chez AXA, figurez-vous. Il a pris un congé sans solde l'an dernier. Pas bête, hein? Et son nom, ça s'écrit comment? L-E-U-2-L-E-T. Et il est comment, lui? Ah ben, quand il ouvre la bouche, il est comme tout le monde. Et quand il la ferme? Presque comme tout le monde. Paul croit que chacun est unique et que tout le monde est intéressant. C'est son côté bon samaritain. Un bon flic est un bon samaritain, ma chérie. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les Nuits de France Culture pour une nuit consacrée à Claude Chabrol. Du Beau Serge en 1958, son premier film, à Bellamy, le dernier en 2009, les films dont nous venons d'entendre un écho, on peut dire que Claude Chabrol n'a pas chômé. 58 films en une cinquantaine d'années, sans même compter ceux nombreux pour la télévision. Sa pose, son réalisateur, et décomplexe d'emblée ceux qui n'en ont pas vu la moitié. Après sa mort en septembre 2010, sous un visage qui, cigare au bec, ne regardait dans les yeux, le numéro du mois d'octobre des Cahiers du cinéma était d'ailleurs titré « Connaissez-vous Chabrol ?». Question pertinente, car si tout le monde connaît le cinéaste reconnu, si tout le monde a vu des films de lui et eu l'occasion de voir le bonhomme à la télévision, une bonne part de sa filmographie, et pas la moins passionnante, est sans doute méconnue. De plus, dans l'ensemble, il se pourrait bien que ses films n'aient pas toujours été bien vus devant s'entendre là dans son double sens. Cette nuit ne permettra certes pas de faire le tour d'une œuvre aussi copieuse, mais nous tenterons tout de même d'en cerner la cohérence qui peut échapper au regard pressé. En essayant d'aller au-delà des apparences, au-delà des étiquettes qu'on lui a un peu hâtivement collées, nous verrons peut-être ce que les films de Chabrol ont à nous dire de l'âme humaine, donc un peu de nous-mêmes, de notre histoire et aussi du cinéma. Pour cela, les archives de cette nuit nous le feront entendre à différents âges de sa vie de cinéaste. Et pour refaire ce chemin, pour l'éclairer, nous serons jusqu'au matin en compagnie d'invités très qualifiés pour nous parler de Claude Chabrol, deux invités que je suis particulièrement ravie d'accueillir. Enfin, après une longue attente due au report forcé pour cause de virus de cette nuit Chabrol. Thierry Jousse, Cécile Mestre Chabrol, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alban. Thierry Jousse, voix familière aux auditeurs de France Musique, vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et vous avez signé plusieurs films. Cécile Mestre Chabrol, vous êtes la fille de Claude Chabrol, qui n'était cependant pas votre père, ou qui était votre père sans que vous soyez sa fille. Vous êtes en effet la fille du comédien François Mestre, mais quand Claude Chabrol se décida, comme vous le dites, à déclarer sa flamme à sa script Aurore Pajot, votre mère, vous avez gagné, toute petite fille encore, un deuxième père. Vous êtes arrivée très jeune sur ces tournages et êtes devenue, très jeune toujours, sa première assistante. C'était sur L'Enfer en 93 et vous l'avez été ensuite sur tous ses autres films. En 2018, Cécile Mestre Chabrol, vous avez réalisé pour Arte un documentaire intitulé « Chabrol, l'anticonformiste » en insistant sur « anticon ». Un film qui commençait par ces mots « mystère, vice caché, scandale ou secret de famille, rien de tout ça dans la vie du cinéaste Claude Chabrol ». Pourquoi avoir voulu insister d'emblée sur ce point ? parce que il y a cette grande question, Claude Chabrol avait-il des mystères? C'est le mystère Chabrol, et moi je crois pas tellement à cette chose-là. Bien sûr, quand on est très proche de quelqu'un, on n'a pas tout à fait la même vision que les autres, mais moi je crois pas que Chabrol avait des mystères. Je crois qu'il était assez transparent, et qu'il était en tout cas ce qu'il avait l'air d'être pour les autres, il était pareil avec nous dans la sphère privée, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc je voulais démontrer, même si je sais que je me suis pas fait que des copains, que non, il n'avait pas de mystère. Nous aurons sûrement l'occasion de voir durant cette nuit ce qu'il faut mettre derrière le mot anticonformiste. Mais si on considère d'abord l'ensemble de sa filmographie, n'est-ce pas là que l'on pourrait parler de mystère, tant elle nous paraît aussi hétérogène que foisonnante? À côté de grands films, de très bons et forcément de moins bons, on trouve aussi pas mal d'étranges objets, voire d'impeccables ratages. Pas tant que cela, mais tout de même. Comment expliquer cette disparité, Cécile? Bah, moi, j'explique par la joie et le bonheur et l'immense félicité qu'il avait à tourner. C'était vraiment ce qu'il aimait le plus faire. Après, il aimait aussi beaucoup manger, boire du vin et être bien entouré. Mais je crois que l'endroit où il était le plus heureux, c'était le tournage, et qu'il considérait que faire du cinéma, faire un film, c'était tourner le film beaucoup plus que l'écrire, le préparer, le monter et toutes ces choses qui l'amusaient beaucoup moins. Le tourner, le film était vraiment un endroit d'amusement, de joie, aussi d'énormes et d'intenses réflexions et de concentration, de partage, de tout un tas de choses. Et en cela, il était assez unique au fond, parce qu'il y a un paquet de réalisateurs qui finalement n'aiment pas tellement le tournage, c'est vraiment l'endroit où ils sont très angoissés et très très anxieux. Claude était vraiment dans son élément. Donc il a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné parce qu'il aimait ça. Et comme il a beaucoup, beaucoup mangé parce qu'il aimait beaucoup ça aussi. Thierry Jousse, comment faut-il aborder la filmographie de Chabrol? Doit-on y séparer le bon grain de l'ivraie ou au contraire la prendre d'un bloc? Bah, moi, en tout cas, je prends tout d'un bloc, parce que Chabrol fait partie des cinéastes dont l'évocation même, si j'entends son nom et s'il s'agit de voir un film de Chabrol, j'ai toujours le sourire aux lèvres. Alors que ses films sont pas particulièrement tous des comédies, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a quelque chose pour moi qui provoque une joie dans l'évocation de Chabrol. Donc je prends tout, même si je sais très bien que, évidemment, lui-même l'a dit à maintes reprises, il y a à boire et à manger, c'est le moment de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de navets assez flamboyants, parfois même, qu'il a lui-même assumé, on va dire, comme celui qu'il considérait comme son pire film, Folie bourgeoise, qui est un film extrêmement curieux en effet. Et puis il y a des films que je considère moi comme des parmi les films les plus importants du cinéma français de ces 60 dernières années, en particulier, on y reviendra sûrement, les films de la période dite André Genovès, qui était le nom de son producteur, grosso modo, entre 67 et milieu des années 70, où là, il y a une série de très grands films dont on peut citer pêle-mêle, par exemple, Le Boucher ou Juste avant la nuit, mais il y en a d'autres. Donc voilà, je fais à la fois la part des choses, et en même temps, j'aime bien l'idée de quelqu'un qui a beaucoup tourné et qui au gros, a dit... Bah, Dieu reconnaîtra les siens. Et puis il avait l'idée, je pense, il le dit régulièrement, que tourner, c'était aussi un exercice pour lui. C'est-à-dire que c'était une façon de s'entraîner sur des films parfois, encore une fois, très très mineurs, pour ensuite, quand il abordait des films plus importants, plus personnels, être plus à l'aise, avoir cette aisance qu'il avait visiblement sur les tournages. Moi, j'ai jamais vu Claude Chabrol sur un tournage, mais j'ai cru comprendre que c'était en effet un moment tout à fait joyeux pour lui, ce qui est pas en effet le cas. Enfin, on sait qu'il y a des réalisateurs qui travaillent dans le conflit ou qui essayent de piéger les uns ou les autres. J'ai pas le sentiment que c'était le cas de... Enfin, Cécile le sait mieux que moi, mais que c'était le cas de Claude Chabrol. Sinon, je voudrais revenir sur ce que disait Cécile au tout début sur le fait qu'il n'y a pas de mystère chez Chabrol. Avec le temps, je me suis dit la chose suivante, c'est que c'est peut-être parce que Claude Chabrol n'était pas quelqu'un de profondément angoissé ou qui cachait pas des abîmes terrifiantes, qui pouvait justement avoir cette pertinence pour regarder l'âme humaine au fond, puisque c'est quand même, enfin on a aussi, je pense qu'on y reviendra, c'était un peu le sujet de son cinéma. Et je me demande justement si s'il faut pas précisément avoir ce caractère apparemment bonhomme comme ça qu'il avait pour pouvoir aller finalement montrer des horreurs, quoi. Après sa mort, dans le numéro des Cahiers du cinéma que j'évoquais tout à l'heure, Thierry Jousse, vous soulignez la cohérence extrême de son œuvre. Oui, parce que, en tout cas, dans les films, voilà, considérés, ben, il y en a quand même pas mal, hein, des très bons Chabrol, il y en a au moins, je dirais, peut-être les deux tiers, enfin, je parle sous contrôle de Cécile, pas mal. Mais c'est quand même, enfin, je veux dire, il n'y a pas autant de navets qu'on pourrait le croire. Lui-même a parfois un peu, disons, colporter cette légende volontairement parce que ça l'amusait, je pense, ou ça l'arrangeait, je ne sais pas trop. Mais au fond, il y a quand même beaucoup de grands films. La cohérence, elle vient beaucoup du fait d'abord qu'il n'y a pas de grand film de Chabrol sans crime. Enfin, je veux dire, c'est l'objet principal de son travail. Alors, il y a peut-être des films qui m'échappent, voilà. Mais je crois quand même que le crime, comme disons objet enfin, qu'on scrute et comme disons miroir de l'âme humaine. Je reviens un peu un grand mot, mais bon, il y a quand même de ça. Comme vertige aussi, presque métaphysique, c'est quelque chose qui structure à peu près toute l'œuvre de Chabrol. En revanche, je dirais que sur le plan de du style, si on va très vite dans la manière d'évoquer un peu l'évolution de Claude Chabrol, il a commencé, me semble-t-il, par un type de mise en scène qui était un peu plus démonstratif, où il y a des mouvements de caméra qui sont un peu plus visibles. Enfin, il y a une mise en scène qui se voit un peu plus. Ça n'enlève rien d'ailleurs à la force des premiers films de Chabrol, pour aller vers quand même quelque chose de beaucoup plus épuré à partir, disons, de la période de la fin des années 60, où là peut-être il trouve vraiment ce qui est son cinéma à lui de manière pleine et définitive, il me semble. Enfin, voilà. Chabrol, cinéaste reconnu et respecté, reconnu par la critique et par bon nombre de ses pairs. J'ai découvert par exemple en préparant l'émission que Fassbinder lui avait consacré un livre et donc il aimait beaucoup son travail. Reconnu Chabrol, mais peut-être pas toujours jugé digne d'être rangé au rang des cinéastes majeurs, ne jouissant pas forcément du même prestige que Truffaut, Godard ou Romer, un peu cinquième roue du carrosse Nouvelle Vague. Comment expliquer cela et est-ce encore le cas ? Cécile Mestre Chabrol. Bah, moi, je dirais que je crois que c'est un peu le cas, mais c'est pas très grave. Il y a des aficionados, des Chabroliens, parce que c'est quand même de tous ceux que vous venez de citer, celui qui dont le nom est devenu quand même aussi un adjectif. Donc, paradoxalement, il est méprisé, mais en même temps, dire quelque chose, une ambiance ou une famille est chabrolienne, ça évoque tout de suite quelque chose pour les autres. Mais d'aucuns disent qu'il aura sa revanche et qu'il sera, il montera sur la première marche du podium. Je crois que lui, il aurait expliqué ça peut-être. Je vais pas parler à sa place, mais parce qu'il n'a pas construit sa légende. Peut-être c'est pour ça aussi que voilà, il y a pas de, on peut pas faire un musée Chabrol, il y a pas tellement de traces. Il était pas très amoureux de lui-même et comme il le disait assez souvent, il avait pas un énorme ego. Je ne dis pas que les autres ont un énorme ego, ne nous méprenons pas, mais enfin en tout cas lui n'avait pas cet ego-là de laisser sa trace. Et puis je crois aussi que il y a une espèce de tradition du génie créateur qui souffre. Et Claude, il démontrait, il montrait et il le vivait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas ce type bonhomme, débonnaire et joyeux devant les gens et les caméras. Et puis un type qui bouffait du Lexomil toute la journée quand il était tout seul chez lui. Donc, c'est un peu paradoxal pour la majorité des gens, je crois. Thierry Joust. Peut-être chez Romer, par exemple, qui était quand même quelqu'un que Chabrol connaissait très bien, puis ils ont co-signé un livre sur Hitchcock ensemble, il y a longtemps. Romer, il fonctionne par série, il y a les comédies proverbes, il y a les contes moraux, bon, il y a les contes des quatre saisons, donc il y a quelque chose d'extrêmement identifiable. Au fond, le problème, entre guillemets, de Chabrol, c'est que, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a tellement, il y a beaucoup de films, ça part en apparence dans tous les sens, et donc c'est plus difficile d'identifier l'auteur Chabrol que, ou même Godard, dont le style est très très évident. Truffaut, bon, c'est peut-être plus par les affects que ça passe, bon, ou par les comédiens, ou par voilà, mais quand même il y a une cohérence qui apparaît de manière plus évidente. Chabrol, il faut un peu chercher, il faut un peu creuser, il faut se plonger un peu dans son travail peut-être pour la comprendre. Ouais, et puis je crois que c'était pas, il y avait rien de calculé. Je pense que vraiment les films arrivaient les uns après les autres. Il y a certains films qu'il avait très envie de faire, qu'il a fait, d'autres qu'il a pas réussi à monter, des films film qu'il a fait parce que effectivement il fallait bouffer, il fallait payer ses impôts, il fallait changer de femme. Donc souvent ça correspondait avec des périodes un peu compliquées. Enfin il y a tout ça, mais il n'y avait pas ce calcul et il n'y avait pas, je crois, chez lui l'idée de bâtir une œuvre. Enfin ça le faisait plutôt rigoler et ce qui l'intéressait au fond, c'était pas ce qu'il y avait derrière lui, mais le film d'après, toujours le film d'après. Et je voudrais juste rajouter un truc sur la cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est qu'il y a toujours un sujet dans les films de Chabrol. Pas une idée, il y a un sujet, vraiment, qu'il faut parfois chercher, qui est pas toujours évident, et du coup, on se dit, tiens, mais au fond, je trouve que c'est ça qui rend son cinéma encore très moderne, et quasiment indémodable, parce que on peut toujours se raccrocher au sujet. À propos de une sorte de sous-évaluation de Claude Chabrol, la légende de la nouvelle vague n'a-t-elle pas fait du tort à Chabrol, Thierry Jousse? Si j'ai bien compris les propos de Chabrol, il n'a jamais cru à la nouvelle vague, lui, en tout cas, parce qu'il le dit, voilà. On l'entendra dire, d'ailleurs. Il l'a dit à plusieurs périodes, me semble-t-il, donc, dès le début et ensuite, régulièrement. Donc, je sais pas si pour lui, la question de la nouvelle vague était centrale. Ça semblait plutôt être une affaire de marketing qui, quand même, a bien aidé, malgré tout, puisque tous les cinéastes de la nouvelle vague, ça les a quand même propulsés. Enfin, voilà, il a fallu quand même ce mot de François Giroux, semble-t-il, pour les faire exister comme cinéaste et un peu comme groupe de cinéastes. À part ça, ils étaient très très différents les uns des autres. Ils avaient un tempérament très fort. Chaque cinéaste avait un tempérament très fort. Donc oui, c'est-à-dire que il me semble que Claude Chabrol correspond moins à l'idée qu'on se fait de la nouvelle vague, une idée sans doute un peu préconçue et un peu figée, que Rivette ou Romer ou Godard. C'est clair, parce qu'au fond, alors il y a ces premiers films malgré tout qui ont un aspect nouvelle vague, hein. Les Cousins, Les Bonnes Femmes, c'est quand même des films qui, me semble-t-il, appartiennent vraiment à ce corpus de nouvelle vague. Enfin, très vite, c'est autre chose qui se joue. On pourrait peut-être dire que c'est la même chose pour Truffaut, sans doute, mais chez Chabrol, c'est vrai qu'il a l'air vraiment, oui, très loin de l'idée de l'improvisation, de ce genre de choses qui appartiennent comme ça à la mythologie de la nouvelle vague. Ce qui me paraît quand même appartenir à la nouvelle vague chez lui, c'est quand même la généralisation du tournage en extérieur, par exemple, et le fait qu'il ait amené des nouveaux acteurs, des nouveaux visages, des nouvelles voix dans le cinéma français, qu'il n'est pas le seul à avoir fait à l'époque, mais enfin, c'est quand même très important chez lui. Si on peut ranger Chabrol plutôt à gauche, durant les très politiques des années 60-70, c'est son caractère incurablement individuel, dualiste et anti-romantique, doublé d'un humour inaltérable, ne pouvait que le tenir à distance des discours et des postures du tourbillon idéologique de l'époque. Cela n'a-t-il pas nui aussi à son prestige ? Thierry Jousse. C'est difficile à dire, j'y étais pas à cette époque-là. En même temps, il était présent dans les états généraux du cinéma en 68 ou juste après mai 68. Avec Marine. Voilà, avec Kermit, mais qui était lui beaucoup plus radical à l'époque, Mao, alors qu'il me semble que Claude n'a jamais été ni de près ni de loin attiré par les idéologies du type maoïsme et autres, ce qui est tout à son honneur, me semble-t-il. Donc il n'y a pas eu en effet de comme Godard, par exemple, qui lui a plongé de manière directe, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon voilà, Claude Chabrol, c'était pas du tout ça. C'est vrai qu'il a quelque chose de... Enfin, c'est pas quelqu'un qui se laisse duper par des illusions idéologiques, quoi. Ce que je trouve personnellement une qualité. Avec le temps, ça devient vraiment une très très grande qualité, même, parce que justement, il a pas plongé dans des choses qui paraissent aujourd'hui complètement irregardables ou difficiles à appréhender, parce qu'on se dit c'est un peu l'histoire de la science-fiction. Donc le fait est que c'est pas un cinéaste apparemment politique, quoique, moi, je pense qu'il l'est quand même assez profondément, mais d'une manière beaucoup plus discrète, disons, que certains de ses camarades de l'époque. Cécile Mestre Chabrol. Il y a plein de choses, mais il y a effectivement, il votait communiste dans les années 70 en vivant à Neuilly, en fumant des cigares, et on lui reprochait, ça le faisait rigoler, en disant, en gros, qu'il comprenait qu'on... Enfin, cette histoire de vivre bourgeoisement ou d'être un bourgeois, lui considérait plutôt qu'on pouvait vivre confortablement et gagner de l'argent, surtout qu'il disait que dans cette société qui n'était finalement menée que par le pognon, il aurait été absurde de pas chercher à en gagner le plus possible. Après, il considérait que l'argent c'était sale et que c'était le sang contaminé de la société, donc il était quand même assez radical dans ses propos. Il s'est toujours méfié des partis politiques, ça c'est certain, et de la manipulation. Qui voyait, mais après, cinéaste politique, enfin, moi, je trouve que c'est quand même un cinéaste féministe, et que féministe au sens où voilà, il a toujours parlé des femmes d'une façon singulière et bien avant en nombre d'entre ses confrères. Donc voilà, après il s'en foutait aussi, c'est-à-dire que il faisait pas les choses pour que ça ait une conséquence immédiate et voilà, mais il a toujours été très très sincère sur ses positions, même si elles étaient contradictoires. Dans votre film, Cécile Mestre-Chabrol, on entend le tout jeune Chabrol, à ses débuts, déclarer que l'esprit de corps qui régnait chez les jeunes cinéastes rangés sous la bannière Nouvelle Vague était peut-être pour une part une hypocrisie masquant un désir de voir l'autre se casser la gueule. Lui-même a-t-il pu être animé par ce genre d'esprit de compétition dont on aurait tendance à penser qu'il lui était étranger ? Alors le jeune Chabrol... J'allais dire, je ne l'ai pas connu. Je pense que le jeune Chabrol était plus arrogant, plus combatif, plus provoque, plus acharné, plus tout ça que l'homme Chabrol que moi j'ai connu, qui avait quand même déjà une forme de maturité. Donc, je crois que la grande qualité de Claude, et en tout cas ce qui était pour lui une des qualités essentielles de l'individu, c'est la lucidité. Donc moi, ce que je trouve génial dans cette archive, c'est que c'est quand même un boulet de canon de dire ça, d'être capable de dire ça à 28 balais en disant « Oui, bon, on se réjouit, mais enfin, on est quand même content quand les mecs se cassent la gueule. » Je veux dire, bon, il avait quand même ce truc de... Même par rapport à la Nouvelle Vague, je me souviens qu'il aimait beaucoup raconter comment ça avait été récupéré politiquement et tout ça, ce dont on entend assez peu parler. On a toujours l'impression que la Nouvelle Vague, ça a été génial, enfin, c'était pas si simple non plus. Mais donc, voilà ce que je dirais. Mais oui, après la compétition, je pense, je sais pas, il disait qu'il était sportif quand il était jeune, et on se foutait de lui parce que bon, il avait quand même peu le physique. Je crois qu'il disait ne jamais avoir voulu tirer dans les pattes de ses collègues, quand même. Non, ça, c'était pas trop son truc. Non, je crois pas. Je crois que ça l'intéressait pas du tout. Et puis, je crois que de toute façon, toute sa vie, les reconnaissances, les protocoles, les récompenses, les médailles, les festivals, les Césars, tout ça, il détestait ça. Enfin, ça l'amusait pas, pour le coup. Et il trouvait ça ridicule, cette compétition entre les gens et entre les films, d'être le meilleur film, enfin, que les gens puissent croire un instant qu'ils avaient fait le meilleur film de l'année ou être le meilleur acteur de l'année, ça le faisait pouffer. Je disais tout à l'heure, cinquième roue du carrosse Nouvelle Vague, mais pour parler comme notre temps, il avait pourtant été le premier de cordée de cette Nouvelle Vague, le premier à passer à l'acte de la réalisation avec Le Beau Serge, le premier à connaître le succès, à être porté au nu. Pour se rappeler à quoi se confronter comme critique, puis comme cinéaste ceux de la Nouvelle Vague, je vous propose d'entendre un extrait d'un numéro cinéma du Masque et la Plume du mois d'avril 1961 sur France 1 Paris Inter. On y parlait des Godelureaux, mais on y revenait aussi sur les bonnes femmes. Ceci dit, je ne voudrais pas faire de peine à mes amis, mais je suis probablement le seul ici à avoir dit que Le Beau Serge n'était peut-être pas un chef-d'œuvre. Alors eux m'ont accablé, ils m'ont donné des coups sur la tête, j'en ai encore la tête grosse comme ça. Alors aujourd'hui, ils s'aperçoivent que peut-être que M. Chabrol, c'est une valeur de pieds humides. Alors moi, je suis bien content. Claude Mauriac. Moi, je ne peux pas être d'accord parce que, contrairement à ce que disait Sadoul tout à l'heure, je trouve que Les Bonnes Femmes, c'est de loin le meilleur film de Chabrol et il n'y a pas si longtemps qu'il l'a fait. Une seconde, Georges Sadoul, voilà une bonne femme qui veut répondre justement. Je dirais juste un mot pour poursuivre le propos de Claude Mauriac. C'est que je reconsidérerai peut-être mon point de vue sur Les Bonnes Femmes. J'ai besoin de le revoir. Maintenant, ceci dit, je ne m'accorde pas avec d'autres choses. Mais Les Bonnes Femmes, c'est un film diffamatoire. Non, c'est un film... Absolument diffamatoire. Pas de démagogie. Mais pas du tout, je ne suis pas un démagogue. Je connais beaucoup de petites vendeuses de magasins qui sont pas des maris couches. Voilà, tous les coins de rue. Celle-là non plus, celle-là non plus. Vous en avez une ou deux, mais elles étaient charmantes. Elles pensaient à l'amour, elles pensaient à être heureuses. C'est toutes les femmes et tous les hommes. Non, c'est pas vrai. Mais alors, je répondrai encore sur un autre point à Claude Mauriac, c'est que j'aime ça infiniment mieux, mais mille fois mieux, quoique je ne l'aime pas, que l'espèce de petite machine qui s'appelle l'amant de 5 heures ou l'amant de 7 de Saint-Jour ou l'amant de Madame Vidal, enfin je ne sais pas, donc je ne sais plus très bien s'il est d'Yves Mirande ou d'un certain Philippe de Broca. C'est absolument à se sauver un tel film. Non. Et puis à tout prendre, j'aime encore mieux les Godelureaux que La Princesse de Clèves. Somme toute, on réfléchit. Ah oui, on est aussi. Ah, et Marc Hervé aussi. Ah oui. Ah, mais c'est très important. Ne répondons pas, mon cher Claude Mauriac, à ces basses insinuations. Non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. On peut discuter sur le film de Charbroil. Il est absolument inutile de discuter sur la princesse de Clèves. C'est inutile. Il y a un ton, mais c'est raté. Oui, c'est raté, incontestablement, mais il y a un ton. Ça y est, tandis que la princesse de Clèves, il n'y a pas de ton et c'est réussi. C'est très bien. Très bien. Vous aurez reconnu les voix de Claude Mauriac, Georges Sadoul et de l'impayable Charon Sol. Thierry Jousse, Chabrol le premier à tourner, à être encensé, mais le premier aussi à décevoir, y compris ses turiféraires, et le premier à prendre des coups. Bah, c'est-à-dire qu'après Le Beau Serge, et je crois aussi Les Cousins qui ont été des succès, surtout Le Beau Serge, ensuite ça a été une cascade d'échecs commerciaux de plus en plus importants. Enfin, je crois que Les Bonnes Femmes, je sais pas combien il a fait d'entrée, mais en tout cas ça a été un film qui a très très mal marché, qui a été très mal reçu. Je crois qu'il y a eu même une certaine violence à l'égard du film. L'ego de Lureau dont parlait les critiques de l'époque, de manière assez drôle d'ailleurs, c'est un film qui est très mal compris. Et puis ensuite ça s'enchaîne avec des films comme encore beaucoup moins connus comme L'œil du malin, Ophélia, bon voilà, qui sont des films peu vus et plus intéressants d'ailleurs sûrement à mon sens que la réputation qu'ils ont ou l'absence de réputation qu'ils ont. Donc oui, ça c'est très vite, ça a été un peu le cas pour les autres cinéastes de Nouvelle Vague aussi, mais chez Chabrol sans doute ça a marqué vraiment une sorte de chute sur le plan commercial très très rapide, ce qui explique aussi qu'après il ait dû accepter un certain nombre de films, on va dire, de commandes dont les plus connus sont sans doute Les Deux Tigres avec Roger Hanin, donc qui sont voilà des films à la limite, voire au-delà de la limite de la parodie, relativement réjouissants pour ça, mais enfin qui n'équivalent pas à des grands films. Je pense qu'il y a un malentendu Chabrol qui arrive assez vite, qui se cristallise autour des Bonnes Femmes, c'est-à-dire ce regard qui est entre, oui, Simenon, Flaubert, qui sont sans doute parmi les maîtres, je pense, de Chabrol, un peu Balzac aussi. Bon, tout ça avec quelque chose d'extrêmement trivial, il n'y a pas de transcendance, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces quatre personnages féminins vivent une existence comme ça, très triviale. En plus, à la fin, bon, je vais pas le raconter pour ceux qui n'auraient pas vu le film, enfin, ça se termine pas quand même de la meilleure façon qui soit. Tout ça était très difficile à appréhender, visiblement, pour les spectateurs et les critiques de l'époque. C'est très très noir en fait, aussi comme cinéma, même Les Cousins au fond, hein, quand on le revoit, c'est pas un film, c'est un film très très dur d'une certaine manière sur ce que ça raconte. Peut-être aussi j'y vois aussi quand même l'influence de quelqu'un dont on peut pas ne pas parler à cette période là c'est l'influence de Paul Jégoff, qui a été quand même pendant toutes les années 60 le compagnon de route de Chabrol, et qui en a écrit quand même un certain nombre des films de Chabrol, notamment sur les dialogues. Bon, donc on sent la patte de Jégoff aussi, me semble-t-il, même si Chabrol y est évidemment totalement partie prenante, on sent la patte de Jégoff notamment dans L'Ego de Lureau ou dans Les Bonnes Femmes, et ça c'est quand même très grinçant, ça met le spectateur quand même dans une situation extrêmement inconfortable, et je trouve que c'est ce qui fait que les films aujourd'hui, moi je les trouve passionnants, mais c'est ce qui peut expliquer aussi que les gens se demandaient ce qu'ils étaient en train de voir. Il y avait quelque chose, je pense, c'était quand même un peu des ovnis ces films quand on les revoit aujourd'hui. Ouais, et puis les deux cherchaient pas à plaire. Il cherchait à raconter les choses comme il les voyait, la société comme il les voyait. Il cherchait pas particulièrement à plaire, mais pour parler aussi de ce côté de la critique, d'avoir été encensé, puis dégommé et vraiment traîné dans la boue et dans un temps assez rapide finalement, enfin d'avoir été considéré comme un génie et puis ensuite comme un type plus bas que terre, je pense que ça a jamais fabriqué son rapport à la critique, c'est-à-dire que au fond il n'y croyait pas quand on parlait de génie, ni non plus qu'il était plus bas que terre. Donc ça lui est arrivé très tôt. Il se méfiait beaucoup des gros succès, Claude. Il trouvait que c'était dangereux de faire beaucoup d'entrées et tout ça, parce qu'après, au fond, on vous laisse beaucoup moins libre. Et il essayait quand même toujours d'être libre, et dans le ton, et dans la fabrication des films. Cela dit, Truffaut a connu aussi un purgatoire. La peau douce a été un échec commercial aussi très très très grand. Les premiers films, le premier Romain, Le Signe du Lion, a à peine été vu en salle. Donc, c'est pas spécifique à Chabrol, mais sans doute que lui, qui s'inscrit peut-être plus que les autres dans un cinéma en apparence commerciale, je dis bien en apparence, parce que tout ça c'est des catégories qui valent ce qu'elles valent, c'est peut-être lui du coup qui a subi le plein fouet le plus ce retournement, et puis aussi parce que ça avait été le premier tout simplement aussi. Cela dit, moi le Beau Serge, aujourd'hui, c'est pas du tout un de mes films préférés de Chabrol, je le trouve même très atypique au fond par rapport à l'œuvre de Chabrol, parce qu'il y a quand même cet imaginaire catholique et rural, alors rural oui, parce que ça, il y a beaucoup de films qui se passent en tout cas en province, si ce n'est à la campagne, mais le côté catholique qui appartient, je pense, à ses années de jeunesse, qui liquide au fond peut-être avec. Mais lui-même avait un rapport un peu compliqué avec ce film. Oh enfin, lui-même le dégommait assez volontiers. Oui, oui, c'est celui qu'il aimait bien avec Folie Bourgeoise. Effectivement, il aimait bien s'en moquer, mais. Oui, bah, il dit que celui qui l'a décrassé ou qui l'a déchristianisé ou qui lui a enlevé les oripeaux de tout ça, c'est effectivement c'est Gégoff. La rencontre avec Gégoff, elle est primordiale dans. Alors comment présenter le personnage Gégoff qui arrive juste après le Beau Serge dans le cinéma de Chabrol? Ah ben moi je sais pas comment le présenter. Je sais que c'est, je n'ai jamais retrouvé ou relu ou revu un personnage qui avait cet esprit-là. Je ne sais pas comment le qualifier très bien, mais je sais que c'est au-delà de la singularité, au-delà de tout ça, il y a une forme de, bien sûr, de sans doute de nihilisme et tout ça, mais il y a un humour corrosif, provoque, et en même temps il y a une forme de c'est pas qu'ils ont raison pour moi, mais enfin quand même si, quoi. Enfin, je trouve que c'est une façon sans doute douloureuse pour le coup. Gégoff était quand même une forme d'âme noire, enfin, ou d'âme damnée, ou de Chacha qui était lui quand même. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont séparés aussi à un moment donné pour ça, parce que Chacha disait qu'il allait trop dans l'autodestruction, et que Chacha il était tout à fait non pas hostile, mais en tout cas imperméable à ça. Donc ils se sont séparés. Ça a été très douloureux. Bon, la mort de Gégoff a été atroce. Mais je pense que les deux faisaient la paire et que Chabrol sans Gégoff aurait, évidemment, il aurait fait des films, c'est évident. Mais il aurait certainement pas pris la vie de cette façon-là, je pense quand même. Il y a vraiment une série de personnages gégoviens, je trouve, dans les films de Chabrol des années 60, qui culminent avec ce qui est peut-être leur dernière grande collaboration, c'est dans Que la bête meure. Ouais, le personnage de Jean-Yann est, d'une certaine manière, l'aboutissement de tous les personnages, disons, qu'on peut attribuer, dont on peut attribuer la paternité à Gégoff, mais on en trouve plein. Brialy, ne serait-ce que Brialy dans Les Godeluroux et Les Cousins, Maurice René dans Le Scandale, enfin bon, voilà. C'est-à-dire des gens qui sont quand même dans la provocation, et qui sans doute incarne un peu ce que Gégoff lui-même était après-guerre, c'est-à-dire où quand même semble-t-il il était arrivé au bal des, je crois que c'était le bal des Khazars ou quelque chose comme ça, enfin les bals qui s'organisaient après-guerre en officier SS quand même, ouais. Donc bon voilà, oui, c'était quand loin, même juste, ouais, après-guerre quand même, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier qui passerait sans doute pas la rampe aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs Gégoff, c'est un personnage qui aujourd'hui serait totalement inassimilable. C'est pour ça qu'il est rigolo d'ailleurs, mais aussi. Mais il y a aussi ce truc que je crois que Claude a eu. La limite de ça, je crois, il le dit dans une archive, c'est que cet esprit rigolard, comme ça, comme il aimait bien ce mot rigolard ou pétroleur, c'était deux mots qu'il aimait bien utiliser. Il a adoré ça jusqu'au moment où il s'est rendu compte que peut-être ça mettait en péril des projets de films et qu'on allait peut-être, ça allait l'empêcher de continuer à tourner, et donc je pense qu'il a calmé le jeu aussi pour ne pas. Et puis je pense que le fait de s'être séparé de Gégoff, au fond, ça lui a permis peut-être de trouver son propre univers à partir de la femme boussole, de la femme infidèle, ouais, parce que dans Les Biches, il est encore très marqué avec le duo Dominique Zardi, Henri Attal, qui sont très très gégoviens aussi. Bon, mais après, à partir de la femme infidèle, le boucher de ça, bon, là on rentre dans autre chose où Gégoff n'est plus vraiment la référence. Ouais, bien sûr. Puis je pense qu'il rend à César ce qui est à César, quoi. Je pense qu'il l'a aussi autonomisé d'une certaine façon. Enfin, il l'a rendu autonomisé. D'ailleurs, rendu autonome. Si on se penche sur quelques-uns des plus grands Chabrol, si on peut dire, juste avant La Nuit, Le Boucher, La Femme Infidèle et Les Noces Rouges notamment, on constate, si je ne me trompe pas, que c'est Chabrol tout seul qui signe les scénarios et les dialogues, preuve indéniable de son propre talent de dialoguiste et de scénariste, Thierry Jousse. Ah bah c'est clair, oui, encore que je dirais évidemment les scénarios et les dialogues sont très importants chez lui, mais enfin il y a toujours, il me semble, un primat de la mise en scène chez Chabrol, qui est d'ailleurs peut-être plus évident dans des films, on va dire, plus ratés ou plus étranges, comme Le Scandale. Il se trouve que je l'ai revu hier soir, donc c'est pour ça que je l'ai bien le film en tête. Dans Le Scandale, qui est quand même un film assez improbable du point de vue de la narration, il y a quelque chose qui vient transcender quand même un peu par la mise en scène. Bon, mais c'est vrai, oui, au fond, je trouve que l'apport de Gégoff est fondamental et évidemment parfois très drôle, très grinçant, enfin bon voilà, toujours très provocateur, même aujourd'hui. Mais quand même, aujourd'hui, je trouve que les films de Chabrol, à partir de La Femme Infidèle, sont plus forts parce que justement, il a épuré son cinéma aussi d'une certaine manière. Ça va de pair avec une épure aussi de la mise en scène. Tout devient beaucoup plus transparent dans le bon sens du terme. Et d'une certaine manière, c'est plus le côté Fritz Lang, en quelque sorte, pour prendre une de ses grandes références, qui prend le dessus. À l'exception, voilà, du film charnière qui est Que la bête meurt, qui est peut-être quand même un de ses plus grands films. Enfin, moi, je trouve que c'est un film immense, Que la bête meurt. Mais, disons, la part de Gégoff, elle vient surtout chez ce personnage de salaud flamboyant qui est incarné par Jean-Yann. Gégoff, parfois, fait un peu écran, je trouve, dans les films des années 60, à ce qui est plus propre à Chabrol. Alors, ça, on sent un peu, au fond, le mélange des deux. Parfois, la fusion prend totalement, comme dans Les Bonnes Femmes. Parfois, c'est un peu plus boiteux ou abracadabrant, comme justement dans Le Scandale. En résumé, pourquoi, en quoi, selon vous, Claude Chabrol doit-il être considéré comme un auteur de cinéma ? Ça, c'est une question complexe, parce que la question du cinéma d'auteur, elle est devenue de plus en plus illisible avec le temps, il me semble, parce que la notion d'auteur au cahier du cinéma dans les périodes des années 50, elle a été quand même fondée sur ce que je disais justement tout à l'heure, le primat de la mise en scène. Les réalisateurs américains, Hitchcock, Hawks et d'autres, n'écrivaient absolument pas leurs scénarios, mais pour autant, ils étaient l'auteur plus que les scénaristes de leurs propres films, à travers, et après, bon, évidemment, il y a la critique de Romer, où tout d'un coup, il repère la figure mère chez Hitchcock, les livres. C'est par exemple la formule hélicoïdale dans Vertigo. Bon, voilà. Donc tout ça, ça fait partie un peu de l'idée de l'auteur. Après, finalement, aujourd'hui, c'est devenu l'auteur, c'est celui qui est censé écrire ses scénarios, c'est celui qu'on reconnaît au premier abord à travers des signes tangibles qui sont beaucoup plus ostentatoires. La mise en scène de Chabrol, il n'appartient pas du tout à ça. Ce que je dis souvent, c'est que ce sont les films qui font les auteurs, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est à travers un certain nombre de films que tout d'un coup, il se dégage une personnalité d'auteur. Et ça, c'est pas donné d'emblée. Donc, je pense que chez Chabrol, évidemment, quand on commence à voir les films les uns après les autres, on voit bien qu'il y a une espèce de pertinence, de force, qu'il y a des personnages qui reviennent, qu'il y a des figures comme ça qui sont de plus en plus évidentes. Je parlais du crime en début d'entretien. Évidemment, c'est structuré autour de ça. Il me semble que c'est beaucoup autour quand même de ce basculement, voilà, dans quelque chose d'impensable au fond, mais en même temps très humain, que se situe quand même la force du... Enfin, si j'essaye d'aller dans une espèce de substantifique moelle du cinéma de Chabrol, c'est quand même là que ça se situe. Évidemment, il n'y a pas que ça. Le reste, c'est la chair autour qui est très importante. Mais il y a un point vraiment qui cherche, me semble-t-il, dans beaucoup de films, qui est celui-ci, quoi. Pour moi, c'est surtout un cinéaste. Et au fond, tous les réalisateurs ne sont pas des cinéastes. Je sais pas comment expliquer ça. Alors, du coup, je vais m'appuyer sur une petite phrase que j'ai retrouvée hier, où il dit, qui date de 59... Car je vous le demande, si un cadrage, un angle de prise de vue, un mouvement de caméra doivent être gratuits et interchangeables, à quoi ça sert le cinéma ? Voilà, pour moi c'est la définition du cinéaste, mais c'est ça qui l'intéressait, Claude, quand même, c'est où est-ce que je mets la caméra ? Lucide, est-ce le mot qui définit le mieux son attitude, son regard sur les êtres et les choses, et sur lui-même, Cécile Mestre Chabrol ? Pour moi, oui, indéniablement. Oui, je ne peux que souscrire à cette affirmation, mais une lucidité qui n'est pas sinistre, qui n'est pas accablante. C'est ça qui est fort chez lui. Qui n'est pas accablante, mais qui est ce double truc de la lucidité, c'est-à-dire ce qui est doux dans la lucidité, voir, et ce qui est difficile, c'est-à-dire parfois comprendre et pas toujours des jolies choses. De Godard, Chabrol disait qu'il avait trop sacrifié à la forme, et de Truffaut qu'il avait sacrifié à une forme de prudence par un besoin d'être aimé. Mais sévère envers lui-même, il disait qu'il avait, lui, sacrifié à une certaine facilité. Je reconnais bien là. Il avait quand même un sens incroyable de la formule. Je sais pas comment il se démerdait, comment son cerveau était fabriqué, mais il touchait hyper juste, avec peu de mots. J'étais très fascinée par, très admirative de ça chez lui. Il a cédé à la facilité, je ne sais pas. C'est vraiment ce débat sur aussi quelque chose, peut-être je réponds pas à la question, mais quand même j'y réponds, qui m'a toujours mis très très en colère, C'est quand on disait qu'il était flemmard. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 58 films, 45 téléfilms, etc., en 50 ans, on dit que le mec est flemmard. Alors, je sais pas ce que c'est que la flemme, mais à mon sens, c'est quand même pas avoir envie de foutre grand-chose et le faire en traînant des pieds, alors qu'il avait toujours l'énergie, l'envie encore, jusqu'au bout, de faire des films, même en se posant des questions, est-ce que mes films intéressent encore, est-ce que tout ça... On confond quelque chose, je crois, de la facilité, c'est-à-dire que quand on est joyeux et quand on est, au fond, assez à l'aise avec soi-même et quand on est à sa place... Eh bien, les gens pensent que c'est facile et que du coup, on fait les choses comme ça en claquant des doigts. La réalité, c'est que Claude travaillait tout le temps. Il travaillait 365 jours sur 365. Il ne partait pas en vacances, il ne s'est jamais arrêté de travailler. Il aimait ça, il était concentré, il avait pour chaque plan de film, de son film, par rapport au scénario qu'il avait écrit, il avait trois solutions de tournage. La solution A, la solution B, la solution C, ce pourquoi on tournait vite, ce pourquoi les films se passaient bien parce qu'il y avait un patron, bien qu'il disait « je ne suis le patron de personne », mais il y avait quand même un mec aux manettes qui savait ce qu'il voulait, qui savait mettre la caméra, qui... C'est pas qu'il avait raison ou pas de la mettre là, mais en tout cas, et parce qu'il avait réfléchi des heures, des nuits, des jours, en écrivant et tout ça. Donc qu'on dise que c'est facile et flemmard de faire tout ça, on peut ne pas aimer les films de Claude Chabrol. C'est la liberté de chacun. Mais pas dire que le mec a choisi la facilité et la flemmardise. Vous voyez, ça m'emporte encore. Oui, c'est vrai que je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Cécile, bien sûr. Ce cliché de la paresse et d'autres vient peut-être aussi de ces nombreuses apparitions à une certaine époque à la télé où il cultive un peu quand même, un peu comme Hitchcock d'ailleurs, mais d'une manière pas imitative, mais c'est juste que ça s'est passé comme ça. Il cultive quand même, voilà, encore une fois, ce personnage de bon vivant, rigolard, qui donne l'illusion, en fait, de pas travailler, quoi. Et ses films, surtout à partir de la fin des années 60, sont aussi dans un rapport à la mise en scène qui est très discret, c'est-à-dire que il me semble qu'on va vers une invisibilité de la mise en scène, c'est-à-dire que le mouvement de caméra est pourtant... Moi, j'ai observé ça, parce qu'à force de revoir les films, il faut regarder des détails. Et tout. Je trouve qu'il y a une précision de la mise en scène chez lui, des mouvements de caméra, par exemple. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est beaucoup plus rigoureux que ça en a l'air, apparemment, comme ça, parce que ça ne se voit pas. Et tout ça, et peut-être c'est un peu de sa faute aussi. C'est-à-dire qu'il a un peu construit aussi sa légende sur ce côté bon vivant et ainsi de suite, quoi, dont on parle souvent, et qui faisait partie de lui, quand même, parce que bon, c'est pas non plus quelque chose qui lui était étranger, loin de là. Mais ça a sans doute, c'est quand même un peu des masques qui ont empêché certains nombres de spectateurs d'avoir accès au fond à ce qu'il était et notamment à ses triggers personnels. C'était un homme aussi d'une, il faut quand même le dire, d'une très grande intelligence, je trouve, parce que j'ai eu l'occasion, encore une fois, un certain nombre de reprises de parler avec lui, ou de l'interviewer, ou même d'avoir des conversations, et moi j'étais toujours très ébloui par son intelligence, mais une intelligence qui n'était jamais là non plus, qui vous humiliait pas comme interlocuteur, du tout. C'est pas quelqu'un qui vous assommait avec tel, il était très cultivé, par exemple en musique, il avait beaucoup de culture, il me semble, vous étiez pas là en train de vous dire, oh là, ce type est accablant, je me sens très mal en face de lui. Au contraire, c'était quelque chose qui circulait formidablement bien. Il faisait pas péter sa science, comme il disait. C'est ça. Mais c'est sur ça. L'intelligence, il y a une jolie phrase dans Rien ne va plus, c'est Isabelle qui dit à Michel Serrault, j'aime bien discuter avec toi, tu me ferais croire que l'intelligence est la clé du bonheur. Et il lui répond, c'est très flatteur, mais je tiens à te signaler que l'inverse est vrai aussi. Le bonheur est la clé de l'intelligence. Cécile Mestre, Chabrol et Thierry Jousse, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit consacrée à Claude Chabrol. Dans un instant, entretien avec Claude Chabrol à propos de son film Le Beau Serge en 1958 sur la chaîne nationale. Paradoxe avec Claude Chabrol au micro d'Alain Bosquet en 1970. Le scandale de Claude Chabrol, un numéro de Histoire sans images de Michel Pollack en 1967. Puis une curiosité, Claude Chabrol, anecdote de casting, un extrait de l'émission Allegro en 1973. Nous nous retrouvons dans un peu plus de 2h30 pour la suite de notre entretien. À tout à l'heure.